va parler des pensions alimentaires, on va régler les questions élémentaires. Maintenant, il faut passer dans la paix ce moment de déchirement. C'est poignant, c'est poignant, c'est pathétique mais ça l'est. Très mélo, très ému, ma voix fêlée, très mollo, pour dire que je regrette, j'ai le cœur déchiré, sans toi ma vie s'arrête, je veux pas de cette liberté. Je veux pas de cette liberté. On va faire comme si on n'avait rien vécu. Toi et moi, non, tu vois vraiment plus nos bons souvenirs à nous deux ont disparu. Garder les moments heureux, oh, c'est superflu. C'est superflu. C'est le temps des effaçades, de la soupe à la grimace, où la vie quelques passades, l'autre traîne sa carcasse. C'est le temps des émotions qui bousculent et qui basculent. C'est le temps où la raison piétine dans le vestibule. Piétine dans le vestibule. On va refaire à l'envers les chemins de nos vies, détricoter le pull vert qui réchauffait nos nuits. Je vais être pèlerin et reprendre la route, rencontrer mon destin, lui sourire sans doute. Sans doute. Je vais t'oublier, c'est sûr, te ranger dans un tiroir et refermer mes blessures, ne pas rester dans le noir. Et toi tu vas t'envoler vers des rivages heureux. Il faudra me pardonner si je pleure encore un peu. Si je pleure encore un peu. On va parler des pensions alimentaires, on va régler les questions élémentaires, élémentaires, élémentaires, ma chère personne. Y a pas de mystère quand on raisonne. Faudra s'y faire, on s'abandonne. C'est pas la guerre, mais c'est tout comme. On sait quoi faire, on est pleuronne. Maniant le fer ou la parole. Dans nos colères, on ne pardonne rien des hier. On vitriole. On vitriole. On vitriole. On va parler des pensions alimentaires. On va régler les questions élémentaires. Élémentaires.